des chardons ardents, nappés d'hirondelles, grouillent au sommet de la fourmilière et fulminent contre l'invisible. Des cris aveugles dévalent la pente mouillée et des cils sans saveur tapissent les flammes. Au loin, un monstre épais frissonne, son œil sent tout mais ne voit rien. Magicien de la douleur, il transforme le feu en glaçon. Au loin, une montagne vermeille dégouline. Par la petite lucarne, une grappe de soleil, une giclée lumineuse glisse dans mon verre. Son âme juteuse et dorée m'aveugle. Au loin, un enfant pêche un oiseau. Ils se reconnaissent comme étant de la même trempe, de la même troupe, inappropriée à l'espace. Jamais le bon ciel, jamais le bon angle. Au loin, une colère grimpe sur une perle violette. Elle gonfle son attente au bout d'un long doigt desséché. Elle déchiquette la peau, aspire le sang sucré et se gonfle d'orgueil. Au loin, j'aperçois des yeux mous. Un miroir salin irrite ma vue. Tout se ramollit avec le temps. Les aiguilles, le cadran, la roue. Au loin, une odeur joviale saupoudre le jour. L'aube du printemps parfume les bourgeons. L'aube dessine un nouvel horizon, un ailleurs de circonstances. Au loin, une colère gronde au creux d'une forêt de colosses fantomatiques. Elle ne trouve pas d'issue, prisonnière de son propre reflet. Au loin, une âme s'échappe d'un tronc, demeure rongée par le feu. Elle vogue sur l'anaconda boueux, entre les trappes grandes ouvertes et sanglantes. Au loin, un pigeon déguste un sorbet. Les déchets ont remplacé le pain. Les barres d'immeubles ont scalpé les crêtes. Les rochers nous trompent. Au loin, des amoureux s'embrasent déjà, reconnus avant de se voir, déjà soumis à leurs propres règles. Au loin, une rime se balade sur un souffle. Elle veut se faire une place, montrer sa force. Reste toi-même, petite note.